Le savoir est une arme, pourtant l'intellosphère a quitté. Si ça sort la lame, ceux qui s'y baillent, y'a de quoi s'inquiéter. Pas 36 solutions, mais c'est son fuck ou bien serrer le poing. Si tu fermes ta gueule, tu risques de finir à Walp. Qu'est-ce qu'il a haine? Si tu la sens parler en toi, faut que tu changes d'haleine. Tu connais le barème, tu fais le fort, tel un gladiateur alors. Tu mérites d'être dans l'arène, triste décor où monte la chaleur. Y'a rien de formidable, si on était des fourmis, on voudrait fort niquer la reine. Ça veut la couronne, monter sur le trône pour faire les bonhommes. Niquons les normes, car trop d'entre elles dépassent les bornes. C'est tour des diablotins qui ont à retirer les cornes. Ou des anges qui trop près du soleil ce serait brûler les ailes. On reste les pieds à terre avec nos séquelles, la langue fourchue et un cœur de pierre. Il serait peut-être resté pur si on s'était pas fait autant blessure. Mais au fur et à mesure, le vice t'a à l'usure et les coups de pute se répercutent. Au fur et à mesure, le vice t'a à l'usure. Je crois bien que c'est le mal qui nous persécute. Fais ce qu'il a haine, ça veut pas dire se barrer en courant. Fais ce qu'il a haine, dès que tu cèdes, elle t'attend en tournant. Elle nous anime, nous réanime quand on a mal. C'est comme des vitamines qui vite t'amènent à détruire ton mental. Fais ce qu'il a haine, ça veut pas dire se barrer en courant. Fais ce qu'il a haine, dès que tu cèdes, elle t'attend en tournant. Elle nous anime, nous réanime quand on a mal. C'est comme des vitamines qui vite t'amènent à détruire ton mental. Le savoir est une arme, ok, là je suis d'accord. Mais avoue que ta morale est nulle face à un prédateur. On va prendre un exemple, ton théorème de Pythagore. Quelle est sa valeur devant la haine d'un type hardcore? Personnellement, je préfère jacter avant de cogner. Mais certains sont sourds, pas le choix, la droite, faut la décoller. Quant à la skarmeté, ma bizarre, j'en ai rien à foutre. Quitte à baisser les yeux, j'ai rien à prouver, je trace ma route. T'as rien compris, si je vais skier la baston, c'est qu'à mon avis, tu vaux pas le coup que je te mette un bouchon. Mec, j'ai pas de temps à perdre, mec, j'ai pas de temps à perdre. S'il faut que tu prouves ta force, mec, je te laisse dans ta merde. Le vrai bonhomme, c'est pas celui qui tape le premier. J'admire celui qui se fait saigner sans se sentir blessé. Le mal par le mal, à vrai dire, j'y crois pas du tout. C'est soit t'es une pédale, soit tu passes pour un fou. Fais ce qu'il a haine, ça veut pas dire se barrer en courant. Fais ce qu'il a haine, dès que tu cèdes, elle t'attend en tournant. Elle nous anime, nous réanime quand on a mal. C'est comme des vitamines qui vite t'amènent à détruire ton mental. Fais ce qu'il a haine, ça veut pas dire se barrer en courant. Fais ce qu'il a haine, dès que tu cèdes, elle t'attend en tournant. Elle nous anime, nous réanime quand on a mal. C'est comme des vitamines qui vite t'amènent à détruire ton mental. Pour pas être échec, mat, ça se déchique. Ça veut paraître mec grave, mais en fait, ça se défile. Peur d'ouvrir un cœur rempli de stigmates. Impossible à atteindre, paraît la cible du bonheur, il nous a banni. Fais ce qu'il a haine, dès que tu cèdes, elle t'attend en tournant. Mec, j'ai pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Le mal par le mal. À vrai dire, j'y crois pas du tout. Traitons des diablotins qui ont à retirer les cordes. Le savoir est une arme, pourtant l'intellosphère a quitté. Si ça sort la lame, ceux qui s'y braillent, y'a de quoi s'inquiéter. Pas 36 solutions, mais c'est son fuck ou bien serrer le poing. Si tu fermes ta gueule, tu risques de finir à Walp.